Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est par ici, je vous en prie. Ah, super, voilà de la gueule, hein. Oh, hein? Oui, une merveille. Et que les Anglais pourraient être aussi racés. Oui, hein? Mon enfant. Vous pouvez essayer? Non, c'est-à-dire que l'assurance ne couvre que le propriétaire. Mais donc, Dans l'allée, là, juste pour l'écouter. Oui, non. Tu auras de la classe, mais c'est pas la peine de se mettre dans cet état-là. Je sais jamais qu'un tas de ferraille avec un moteur et puis des roues. Oh, hein. J'arrive tout, il n'y a pas de déclic. Ha, salut à vous, moi c'est Julien. Je m'occupe des textes et scoop des bits. Esprit d'équipe, éthique que les vrais types détectent et estiment. Donc que petite Kyra et flic détestent. Estelle, expert en technique d'esquive et d'esquisse éclair. Des mecs libres et fiers. Exit les bits qui se prennent des lacs dans le Serengeti et qui essaient. Mais j'ai quitté l'espoir, fais vivre et j'perds. Soit tu le gardes, soit tu le vends. Nous on s'en tape du moment que tu tagues Antoine en noir sans le vent. Ou le réverbère d'un de ces grands boulevards. Un soir pluvieux lors d'une sale pulsion du genre poulevard. Tout fout le camp, 12 coups de sang. Mais je vois pas l'intérêt de balancer des insanités à tout bout de champ. Vous êtes sous tout le temps. Vaudrait mieux qu'on soit unis et OP. En face ils sont plus de 12%. Les voix des sous-sols s'échappent. Je veux dire s'échappent des sous-sols. Oh, t'as qu'à voir comme tout ça me déboussole. Musique de marcheur, yeah. À boire et à manger comme dans les répliques de clasheur. Mais sache-le bien, de vrais passionnés ne lâchent rien et ne bouffent pas à tous les râteliers. Nous on est de cette race de chiens. Pas tel qui rappe pour dire je déchire, ça c'est tricher. Et nous pas être bacheliers, plutôt cactus de Sibérie. Le scan d'un cliché argentique jauni comme Ayatus de Tibérie. Les révoltés du slip se prennent pour des opprimés. Se croient palestiniens à Gaza ou moine à Tibérine. Bref, bientôt vous saurez qui j'excède. Prédicateur des villes et script des steppes. J'irai pas qui me défrise, mes princes et stress profite. Pour le reste, aucune. Si une petite heure on s'éclipse sans explication aucune. Oui, d'un grand malade. Bien sûr, je t'aurais pas emmené. Oh, c'est déjà barré. T'as eu la tronche du mec. Je suis con. C'est trop con. Elle était super bien, cette jague. Et là, il sait qu'à jouer. Mettre autant de pognon là-dedans. Allez, grandis un peu. L'homme communément appelé Keuze vient de rentrer chez